sanga confiance na yona kosega na mwanzo tako ni kanga epo na sepela mo pepele pia e me bambu na to bandi konuna ba fami ba zeni miki mama me bongi to balana confiance yo kosega kaina kopesa. Oh, yo, yeba, todo mi etumba, mamá. Todo mi etumba, Nana, pues, si le lo monté, mamá. But it's a bang of a son, you mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Je vous passe l'antenne. Là, c'est là qui m'éclaire. Merci. Et bonito balada. Azungisi na matesui Mesela be Oh, Titi Asambela kamigyo